Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, une comédie romantique américaine. À 20 ans passés, Kirk bosse comme agent de sécurité à l'aéroport de Pittsburgh. Les avions, les passagers et la vie s'écoulent tranquillement, tandis que ses rêves de récupérer son ex, Marnie, et de devenir pilote de ligne s'envolent. Son existence monotone est brusquement bousculée quand la sublime Molly oublie son iPhone au passage de sécurité. Oh, regarde ça! Merci, Kirk. Je crois que j'ai perdu mon téléphone. Je t'appelle, on va voir. Allô? Allô? Génial, vous avez mon téléphone. Vous voulez bien me le garder? Vous ne pouvez pas téléphoner, c'est mauvais pour l'avion. Vous êtes avionologue? Non? Alors il se la ferme. J'aimerais vous remercier. Vous aimez le hockey? Ouais, j'adore ça. Je pige pas. Pourquoi elle? Elle irait m'inviter, moi. T'as le trac? Ouais. Kirk, c'est un 5, maximum. Mais cette gonzesse, Molly, c'est une totale 10. Bon, c'est vrai, peut-être que Molly est un peu plus jolie à regarder que moi. Un peu? Tu te fous de moi? Je crois que ma débile, elle est carrément bonasse. Merci, Minou. Et ta gonzesse l'a fait passer pour un boudin. Quoi? T'as un trou du cul, Dylan? Cam, je te présente Kirk. Molly est mon ex. Oh. Et j'aime autant te dire, je vais la récupérer. Trop belle. Trop belle, une comédie avec Jeb Baruchel et Mick Vogel, un DVD Paramount.